47e leçon. Pas si vite. Devant une boîte de nuit, les gens font patiemment la queue, attendant leur tour malgré la pluie. Tout à coup, un jeune homme arrive, bouscule quelques personnes et se dirige résolument vers le début de la queue. Une énorme main le saisit par le col de sa veste. « Dites donc, le resquilleur, vous allez faire la queue comme tout le monde, ou bien ?» Le costaud n'a pas besoin de terminer sa phrase. « C'est comme vous voulez, monsieur, » répond le jeune homme. « Mais si je ne passe pas maintenant, vous allez tous attendre longtemps. La sono est en panne et je suis le dépanneur. » Exercice. Faites la queue ici, s'il vous plaît. Nous attendons tous notre tour. Malgré la pluie, je vais au cinéma ce soir. Vous n'avez pas besoin de tous ces vêtements. C'est comme vous voulez, monsieur.